Hé, hey, Tenaille, comment tu vas? Bah ça va bien, et toi? Toi ici, ouais. Chez toi. Je m'étais dit que ça aurait été bien de faire une 13e capsule. Bah, allez, c'est bon, je suis partant. Ah ouais? Laisse-moi réfléchir, c'est bon. Ce qui est marrant, c'est que tu vois, les gens ils se rendent pas compte, mais en fait là, la première qu'on a enregistrée, je vais la publier ce soir. Ouais. Donc eux ils vont être en décalé, parce que celle-là ils vont pas l'avoir avant mercredi. Ouais. Du coup, ils savent même pas. Enfin, toi, il y a une espèce de décalage chelou qui se passe. Ouais, c'est vrai. Parce que d'habitude, on est. Là, on est du coup, on est mercredi là. J'ai même. Oui. Du coup, oui. Ouais. Du coup, on est mercredi. Bien vu. Ouais. Et vivement demain. Eh ouais. Parce que demain, on sera. On sera Jedi. Tenaille, je me suis dit que ça serait sympa de parler d'un groupe dont on a déjà parlé dans le podcast. Un groupe qui est un peu à la mode, qu'on entend beaucoup parler depuis un petit moment et qui. A pour particularité, quand il était passé dans le podcast et que c'est moi qui l'avais chroniqué, de m'avoir séduit, musicalement, ouais. Mais encore plus via de là où ils viennent, et surtout de m'avoir séduit, mais de ne pas avoir réussi à me convaincre de venir les voir. Ah, je crois savoir de qui on parle maintenant. Ah ouais? Ouais. Et ben du coup, je te propose tout de suite de passer par un petit générique. Allez, let's go. Et il va parler tout de suite. Ah non, pas pendant la... Bah non, mais si. J'ai pas les causes. Ouais, tu vois, je suppose que t'as reconnu le groupe dont on va parler. Oui. C'est un groupe un peu à la mode. Oui, c'est vrai qu'on en parle pas mal. Ouais. On en parle pas mal, ouais. On a un peu envie de dire. Ils sont beaucoup sa leaduse aussi. C'est tout à fait vrai. Ils sont déjà venus au Hellfest en 2022. D'accord. Et ils ont joué en ouverture, si je dis pas de conneries. Ok. Ouais. Pendant les deux, parce qu'en 2022, il y avait deux. Non, ils sont venus qu'un des deux week-ends, mais ils sont venus pour jouer à. L'ouverture d'un des deux. D'un des matins, okay. En tout cas, voilà. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Que c'est un groupe. De metalcore gent? C'est un peu ça. Mais est-ce que c'est pas d'abord le moment où on dit de qui on va parler? Allez, c'est toi qui l'annonce. Ouais, je l'ai déjà fait plein de fois, bon, moi. Allez, la boîte à esprit. Oui, ou plus communément, Spirit Box. Ah non. Plus facile quand je les passe après, en fait, t'as vu? Parce que là, je galère étonnamment, c'est marrant. Oui, on va vous parler de Spirit Box, donc qui est un groupe canadien de metalcore de gen, comme tu l'as dit, qui s'est formé en 2017. Alors, il faut savoir un truc, c'est qu'à la base, Courtney et Mick se sont fiancés en 2011. Ok. D'accord, donc Courtney Laplante et Mike Stringer, ils se sont fiancés en 2011 et ils souhaitaient monter un projet musical ensemble. Mais okay. Il se trouve qu'en fait, ils se sont fait intégrer en 2012 pour Courtney, en 2013 pour Mike, dans le groupe A Restoral A Beer Once, qui veut se dire que j'ai catché un ours une fois. Ok. Pourquoi pas. Et en fait, à un moment donné, ils ont quitté le groupe en mode, on voudrait aller dans un truc plus personnel et plus créatif. Okay. Et c'est là que du coup, qu'ils se sont mis un petit peu à créer Spirit Box. Et donc, ce qui est intéressant pour moi en premier lieu, c'est qu'ils viennent de l'île de Vancouver en Colombie-Britannique. Et je n'arrête pas de bassiner tout le monde avec ça. La Colombie-Britannique. Ouais. C'est en Colombie ou c'est en Angleterre? Alors non, ni l'un, c'est au Canada. Okay. Parce que le Canada, c'est britannique. Donc, Ah bon? Bien sûr. Mais je croyais qu'ils étaient indépendants, moi. Pas du tout, mais personne n'est dépendant. Mais indépendant, j'ai dit. Ah, non plus. Ah, merde. Parce qu'en fait, regarde, moi, quand je vois... tu vois, moi, quand je vois ça, je me dis, c'est trop beau. C'est magnifique. J'ai trop envie d'y aller. C'est Vancouver? Non, pas c'est du tout. C'est l'île de Vancouver? Oui, c'est l'île de Vancouver. Et en fait, regarde, il y a plein de... Parce qu'en fait, ils Mais sont... c'est que l'île de Vancouver qui est anglais. C'est pas tout le Canada. Non, mais regarde, en fait, c'est... c'est l'île qui est là. Ok, c'est une île et ça, c'est anglais. Non, mais putain. Non. Enfin, c'est pour dire que c'est très joli. Et moi, c'est un truc qui m'avait vraiment frappé parce que depuis que j'ai chroniqué ce groupe et découvert ça, j'ai depuis envie d'y aller. Vraiment. C'est un truc... T'as envie d'aller les voir? d'aller là-bas. Ah, l'île de Vancouver. De l'île de Vancouver. C'est vrai que c'est beau, c'est coloré. Ouais, c'est très coloré. Bon, attention, hein, c'est une image peut-être un peu. Ouais, non, peut-être que là-bas c'est tout sombre et tout ça. Ça se trouve, hein. Ouais, moi je pense qu'il y a un peu de, ouais. Tu crois que c'est comme partout, il peut y avoir des nuages. Non, mais je dis pas que je veux y aller forcément s'il fait beau. Ah. Mais dans l'idée, c'est un peu ça. Et donc quand j'ai découvert ce groupe, eh ben, je trouvais que leur metalcore à eux fonctionnait plutôt bien sur moi, alors qu'on est sur un metalcore qui est quand même plutôt moderne, parce qu'il est quand même rempli de post-metal, de gen, de metal progressif, de metal alternatif et de post-metalcore. Et post-metalcore. Ouais, c'est ce que nous dit Wikipédia. Okay. Mais ce que moi j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'il tombait, le groupe ne tombait pas forcément dans le côté attendu de ce qu'on n'aime pas aujourd'hui, de ce côté de la voix peut-être trop claire qui revient sur certains refrains. Là, elle arrive un petit peu à mixer un peu les deux en mode, il y a du growl, il y a du truc, et c'est pas tout le temps énervant, comme on pourrait dire. C'est clair. Tu vois dans ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et en plus, si je ne dis pas de conneries, je voudrais juste vérifier cette petite info avant. Mais moi, quand je les ai découverts à l'époque, il y avait le premier album, mais je crois que le premier album était de mémoire, il Eternal était Eternal Blue là. Ouais, il est sorti en 2021, mais pour moi, il était pas forcément encore sorti. Donc, ou alors il était à peine sorti, mais il y avait un truc comme ça que okay. Quand on en a parlé, il y avait peut-être quelques titres qui avaient été. Ouais, mais tu sais, en fait, c'était pour 2022, mais on avait dû commencer à en parler en 2021. Okay. Donc pour moi, ou alors ils étaient sur la fiche de base qui a été annulée de 2019 peut-être. D'accord. Peut-être. En tout cas, de mémoire, pour moi, ils avaient pas encore de. Attends, parce que. Si tu l'avais fait en 2021, tu parles de l'album qui est sorti en 2022. Non, l'album est sorti en 2021, mais l'édition du Hellfest c'était 2022. Mais si on en a parlé, par exemple, en octobre 2021, ouais, voilà. Pas sûr que... voilà. Okay. Ou alors ils étaient encore bien avant, genre en 2019, et l'édition a été annulée. Donc ça se trouve, ils étaient annoncés sur l'édition de 2019. Mm-hmm. Peut-être, sûrement. Enfin, l'édition de 2020 plutôt, annoncée en 2019. Sinon, je mélange tout. Bah oui. Parce que le Covid, c'était mars 2020. Oh, mais... Et ils nous ont donc sorti un second album cette année, en 2025, Tsunami Si, qui est assez récent. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que du coup, j'ai beaucoup aimé la découverte. Mais déjà à l'époque, il n'y a pas, dans ce que je disais, en fait, il n'y a pas un moment où je me suis dit, j'ai envie d'aller les voir pour autant en live. J'ai bien aimé, j'étais agréablement surpris, mais ça n'a jamais été plus loin. Et le pire de tout, c'est que depuis, en fait, bah, j'ai pas trop suivi l'actu. Enfin, j'ai suivi l'actu du groupe, mais musicalement, je réécoutais de temps en temps des trucs, et en fait, bah, ça me laissait un peu en deçà, quoi. J'étais jamais méga convaincu. Et quand j'ai écouté l'album de 2025, bah, je dis oui, ok, il est bien. Et j'y ai pas de coup de cœur. Ouais. Pas comme l'île de Vancouver. D'accord. Ça, donc je suis un petit peu partagé dans le sens où le groupe fait beaucoup parler de lui. Le groupe, moi j'ai vu vraiment le groupe monter en popularité. D'ailleurs, je ne sais pas si tu connais cette petite histoire très rigolote, c'est que quand Courtney, elle s'est pointée aux Grammys, on l'a pris pour Poppy. Donc elle a répondu au nom d'accord. de Poppy. Ah oui, d'accord. Et après elle se faisait plus ou moins appeler. C'est qu'on lui dit oui, Poppy ça va, elle dit oui, elle répondait. Ah, parce qu'elle a pas osé dire ça. Non, elle a pas fait, elle s'est restée à tel point que derrière sur Spotify, ils avaient sa photo à elle, ils avaient marqué Poppy en dessous. Tout le monde a gardé le truc. Chaud quand même. Ils ont gardé le truc volontairement pour la blague. D'accord. Donc voilà. Donc moi je suis toujours un peu partagé parce que je trouve que ça marche bien, je trouve que c'est très efficace. Mais malgré tout, en fait, c'est ce qui pourrait se rapprocher le plus d'un metalcore moderne qui me plaît. Et pourtant, il me manque un chouille de trucs que je ne saurais trop te dire. Après, peut-être souvent, c'est le côté peut-être main stage, je ne sais pas, mais je sais pas. Il y a un truc qui me manque ou alors, et là, parce que je m'en souviens plus parce que je suis une vieille personne, peut-être que tout ce que j'avais écouté avant l'album m'avait plus convaincu et que l'album m'a perdu. Il y a peut-être un petit truc comme ça. Okay. Peut-être. Donc c'est là où ça va être intéressant parce que toi, je pense que c'était une réelle découverte. Ouais. Spirit Box. J'en avais entendu parler parce que je te dis, on la voit beaucoup. On la voit beaucoup. Vrai, ouais. De là, j'avais survolé un petit peu le nom. Donc le nom me disait quelque chose. Mm-hmm. Donc là, j'ai vraiment écouté. Bah, c'est vrai qu'on est vraiment dans le côté groupe moderne qui sait vivre avec ses réseaux et qui est très présent, très présent. Ouais. Donc t'avais écouté. Donc j'ai écouté et en fait Spirit Box, j'ai écouté bon un peu comme je suis d'habitude les plus populaires. J'ai regardé un petit peu ce que c'était metalcore, gen, les plus populaires. Les pulpes populaires. Okay. Les pulpes populaires. Et du coup, en fait moi c'est, je te rejoins un petit peu. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai écouté les plus populaires et ceux qui marchent très bien par contre. Les morceaux qui marchent, c'est une dinguerie. Je surkiffe. Mais par contre, du coup, c'est vrai que quand tu donc du coup, bah, je me suis attaqué, je crois aux deux EP, les deux premiers. Il y avait un éponyme et puis un single collection. 2017 et 2019. Voilà. Ouais. Donc, bah, très bien. Mmh. Franchement, y a rien à dire. J'ai surkiffé. L'album Eternal Blue, pareil, mais c'est soit ça marche fort, très bien et ça t'ambiance de malade et tu kiffes, ou soit ben tu sais pas trop. Ouais. Ça m'a fait cet effet là. En fait, j'ai l'impression que ça c'est à la découverte, je suis monté crescendo et puis plus j'écoutais et plus ben voilà, peut-être que les bons morceaux qui étaient vraiment vraiment entraînants, vraiment plaisants se faisaient peut-être un peu plus rares sur un album, tu vois. Mmh. Et puis il y a eu le dernier album et là j'ai eu un peu plus de mal. Ouais, non mais là, je... le dernier album, il j'attendais les morceaux qui tapent à l'oreille, qui envoient quoi. Et pour moi, ils se sont fait un peu plus rares, pour moi en tout cas. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ben du coup, c'est un metalcore un peu différent. Et moi, j'ai essayé de me demander pourquoi ils matchent si bien. Et puis, alors il y a oui, certes la voix de Courtenay. De Madame, mais je crois que c'est vraiment le côté gent moi qui me fait que c'est vraiment une touche que je kiffe dans le metalcore. Ouais, bah ouais, oui, ça c'est vraiment cool quoi. C'est pas un petit peu pareil avec Ginger, parce que, en fait, justement c'est vraiment le comparatif que j'ai quoi, direct. C'est que pendant que tu parlais, j'allais vraiment te citer un peu comme avec Ginger, qui moi m'avait énormément plu avant l'album. Oui, je sais que tu kiffes, mais c'est pour ça. Et en fait, qui m'a beaucoup déçu au final, pour maintenant j'écoute plus du tout. D'accord. Donc, et j'ai même pas écouté le dernier album. Donc et c'est un peu ce côté-là où il y a quelque chose de prometteur énormément qui me donne envie. Il y a ce mélange effectivement un peu de Jen comme tu dis qui marche trop bien, une voix de Tatiana qui est incroyable et tout ça, qui marche sur quelques morceaux. Et l'album m'avait un peu laissé refroidi. Moi, ça m'avait beaucoup moins marché. On l'avait déjà dit plusieurs fois dans le podcast. Ouais. Et au point que maintenant, bah, j'écoute plus Ginger et que j'ai même pas écouté le deuxième album. Donc comment ça se fait? Est-ce que c'est... Je sais, j'arrive pas trop à expliquer non plus pourquoi. Bah, avec Ginger, je vais pas te mentir, hein, c'est un peu le même effet que Spirit Box. Que Spirit Box. Alors Ginger, je connais depuis un peu plus longtemps. Il y a des morceaux que je surkiffe, que je réécoute régulièrement, quelques petits albums aussi. Mais c'est le même effet. Il y a des morceaux que je vais pas me souvenir parce que je vais avoir assez vite nexté, quoi. Et voilà, mais c'est peut-être un peu le piège aussi de ce style. C'est soit ça marche très fort, ça monte très fort et ça tu surkiffes, ou peut-être, ou soit tu rentres pas dedans et ça passe ou ça casse quoi. Bah comme t'as l'air d'être plus convaincu que moi et plus emballé sur la majorité, en fait, moi je pense que c'est plutôt les prémices avant que ça soit stabilisé dans leur style en fait, parce que si ce que j'aime c'est avant les albums. Une fois sur album, c'est parce qu'ils ont pris une décision, enfin une orientation qui est particulière. C'est peut-être justement parce que moi j'ai bien aimé la prémisse et qu'en fait la partie centrale m'a moins convaincu et qu'au final eux ils se sont trouvés à travers ça et que moi je suis pas client de ce projet-là. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu difficile de... Tu sais, c'est comme quand tu découvres un groupe en live, t'attends de le revoir et plus il va se professionnaliser, moins tu vas adhérer à son propos parce que lui, il devient pro et que toi, en fait, t'aimes. Oui, et puis peut-être qu'il s'écoute plus et qu'il va plus vers ce qu'il veut. Mais tout à fait. Ça correspond moins, tout simplement. Ouais, après, tout à fait. Tout bête, mais... Oui, parce que, au fond, ce qui me manque dans Spirit Box n'est pas quelque chose de négatif. Toi, c'est pas quelque chose. Ah non, pas du tout. Toi, ni pour Ginger, c'est pas un truc où je dis, ah bah, ce truc-là, je peux pas le blairer un peu à la manière de ce que je disais tout à l'heure sur la voix de Liprous. Là, c'est plus un truc, genre, il me manque un truc. Mm. Je saurais pas dire quoi, mais, tu vois, quand je l'ai écouté, le Tsunami Si, là, second album de Spirit Box, je suis resté en mode, je me dis, il glissait sur moi comme rien n'arrivait à s'agripper en oui, mode. Oui, et puis, il y avait moins de morceaux, percutants qui m'attiraient tout de suite, toi. Contrairement, aux deux EP, où là, j'avais un maximum de titres qui vraiment là, ouais, matchaient moi aussi. Tout de suite. Eternal Blue. Blue, ouais. Là, pas trop mal fonctionné, hein, dans l'ensemble, ça va, j'ai pas trop été, en dehors, quoi. Mais par contre, ouais, je te dis, Tsunami, Ah ouais, non, ça fait partie moins, de ces... Ouais. Donc c'est marrant de voir justement ce côté-là où, un groupe va bien démarrer et va nous lâcher en route et voilà. Ouais, mais en tout cas, j'ai quand même une sympathie pour le groupe. Tu vois, Ginger, par exemple. J'ai pas trop de souvenirs. Je me demande si je l'ai même écouté le dernier album en vrai. Ah, tu vois. Mais euh, Mais tu vois, je sais que j'ai l'occasion de les voir. Ginger, je me pose pas la question. Normalement, j'y vais, tu vois. Après, je me dis, attention, va peut-être y avoir des moments un peu cool, des moments un peu moins cool. Et là, je m'y attends, tu vois, par exemple. Et avec Spirit Box, je m'attends un peu à la même chose, tu vois. Je pense que, bon, après, s'ils jouent leur dernier album, bah, du coup, je suis un peu plus sur le... Faire un mix des deux. Bah, je pense quand même. Oui, mais du coup, la question se pose maintenant. Spirit Box. T'y vas? Ouais, je pense quand même. En main stage? En main, oh, moi, j'ai pas de problème avec la main stage. Non, je sais bien, moi. Toi, mais... Non. D'ailleurs, faudra m'expliquer. Mais, non, moi, j'ai pas de problème avec ça. Oui, non, oui, je vais quand même plus être vers le oui parce que voilà. Mais je m'attends à ce qu'il y ait des moments un petit peu plats et puis d'autres moments où ce soit bien fun quand même. Eh ben, tu vois, moi, malheureusement, encore une fois, non, j'y vais pas. Ouais. Étonnamment, j'y retourne pas. Il ne vais une nouvelle fois pas parce que, bah, je suis pas convaincu par le truc et qu'en plus en live, je pense que ça va pas du tout me convaincre. Mais c'est vrai que c'est un peu le risque, mais bon. Enfin, c'est pas grave. Au moins, t'auras découvert Spirit Box. Oui, non, mais carrément. Et puis en plus, t'as bien kiffé. Oui, il y a des morceaux que j'ai likés et que je vais réécouter, carrément. Bon, on en reste là, Tonaï, alors. Ok, bah. Est-ce qu'on se serre la main? Genre, c'est pas grave. Ouais, ça marche. C'est pas grave. Merci beaucoup, Tonaï. À une prochaine. Non, t'as pas été trop méchant. En plus, ça explique. Non, j'avais pas prévu d'être méchant. Bah, écoute, pas de bagarre. Tant mieux. Bah, merci Tonaï, à la prochaine. Bisous. Salut. Non, bah non. Pourquoi c'est pas du tout le bon son? Redis au revoir, parce que ça m'arrange. Bon, allez, des bisous, à bientôt. À demain.